Le plus grand désastre de l'histoire de la défense nationale. Ainsi titrent les journaux américains après l'arrestation en 1994 de l'espion Aldrich Ames, une taupe introduite à la CIA et qui travaillait pour les soviétiques puis pour les russes depuis de nombreuses années. La semaine passée, dans la première partie de l'entretien que M. X m'a accordé, nous avons passé en revue toutes les invraisemblances de cette affaire, ou plutôt de la version officielle de cette affaire, telle qu'elle a été livrée au public par la CIA et le FBI, et même par Aldrich Ames en personne, puisque de sa cellule, je vous rappelle qu'il a été condamné à la prison à vie, l'espion a accordé des interviews, sous la surveillance d'un agent de la CIA quand même. Prisonnier, Ames demeure sous contrôle de l'agence. A-t-on peur qu'il dise sa vérité ? Une vérité qui risquerait d'embarrasser les responsables de la CIA, selon M. X. Alors, avant de diffuser la suite de cet entretien, je résume. En 1983, Aldrich Ames, fonctionnaire subalterne de la CIA, alcoolique et paresseux, est soudain propulsé à la tête du département de contre-espionnage de la CIA. C'est un des postes les plus sensibles de l'agence. Pourquoi ? Parce que les chasseurs de taupes, pour être efficaces, doivent tout savoir et avoir accès à tous les fichiers. On peut donc légitimement s'interroger sur la promotion inespérée d'Aldrich Ames. Monsieur X a son idée, j'y reviens tout de suite. En 1985, le chasseur de taupes devient une taupe à son tour. À court d'argent, il se rend à l'ambassade soviétique de Washington et il offre ses services. Contre des millions de dollars, il trahit et dénonce plusieurs espions américains qui opèrent en URSS. Les dégâts sont inestimables pour la CIA. Plus surprenant encore, malgré ses négligences, ses imprudences, Ames, qui fait partie des suspects possibles, passe à travers les mailles du filet. Et il ne sera donc démasqué et arrêté qu'en 1994. On trouvera chez lui des preuves accablantes de sa trahison. Voilà donc la version officielle, la partie visible de l'iceberg, en somme. Mais l'affaire dissimule bien d'autres secrets. Et le premier d'entre eux, c'est bien sûr l'explication de la nomination surprise de l'espion à la tête du contre-espionnage de la CIA. La semaine passée, M. X m'a donné deux pistes. D'après lui, il travaillait pour le KGB bien avant 1985, et les soviétiques, en lui livrant des informations de première main, lui ont permis de briller auprès de ses supérieurs et d'accéder à ce poste convoité. Deuxième explication, nullement contradictoire avec la première, Ames était protégé au sein de la CIA. C'est pourquoi il ne s'est fait pincer qu'en 1994. Mais même ces explications ne résolvent pas toutes les questions que pose cette affaire mystérieuse. Au fond, les seules certitudes que nous ayons dans cette affaire touchent à l'ampleur de la trahison. Oui, donc au grand nombre d'espions américains donnés par Ames. Oui, encore que la trahison, enfin j'y reviendrai tout à l'heure, n'a pas seulement consisté à livrer ses noms au KGB. Encore un mystère, hein. Peut-être. Mais chaque chose en son temps, monsieur Penaud. Une parenthèse d'abord. Ames, depuis sa prison, s'est en quelque sorte vanté d'être l'espion du siècle. Mais une autoproclamation. C'est à peu près ça, oui. Il a même dit, si je me souviens bien, qu'il a fait plus fort que Philby. Oui, l'espion légendaire de Cambridge. Hein. Oui, Aldrich Ames a un égo surdimensionné. Et si je comprends bien, il n'a aucun remords. Aucun, non. Enfin, voyez-vous, cette vanité, ça ne colle pas avec la personnalité du super-espion qu'il prétend être. Hein. Pourquoi ? Parce que dans ce métier, on est essentiellement discret. Les plus grands espions n'ont jamais raconté leur vie. Est-ce que Rudolf Abel, ou plutôt celui qui se faisait appeler ainsi, a fait des déclarations fracassantes ? Non, il s'est tu. Même après son arrestation, il est rentré en URSS avec ses secrets. Abel, il faut le rappeler, hein, c'était le chef de l'espionnage soviétique aux États-Unis dans les années 40 et 50. Oui, c'est sans doute grâce à son réseau que l'URSS a pu construire sa première bombe. Attendez, il y a pourtant des espions qui ont publié des livres autobiographiques. Hein. C'est vrai, mais lorsqu'ils l'ont fait, c'est à la demande de leur centrale et dans un but de propagande, et en taisant soigneusement les détails les plus intéressants. Ouais. Alors d'accord, j'ai compris que pour vous, Ames n'était pas l'espion qu'il prétendait être. Et qu'on a prétendu qu'il était. Donc, il n'était pas seul, c'est bien ça? C'est évident. Je vous l'ai déjà laissé entendre. Enfin, revenons d'abord à la trahison. Ames, patron du contre-espionnage, a donc accès aux fichiers des agents américains en URSS et dans les pays de l'Est. Les agents américains, vous voulez parler de citoyens soviétiques qui travaillaient pour la CIA, c'est ça? Naturellement, et l'agence américaine est de ce point de vue assez richement pourvue. C'est-à-dire qu'elle dispose de beaucoup d'agents doubles? Beaucoup plus que le KGB n'en possède aux États-Unis ou dans les autres pays occidentaux. Ouais. Pourtant, à l'occasion de l'affaire Farewell, on s'est aperçu que les soviétiques avaient truffé d'espions la plupart des grandes entreprises occidentales. C'est juste afin de piller leurs secrets technologiques. Mais grâce à ce Farewell qui travaillait pour la France, je vous le rappelle, beaucoup de ces agents ont été neutralisés, expulsés ou arrêtés. Et l'avantage, si je puis dire, est alors passé du côté de l'Occident. Mm-hmm. D'autant que le temps des espions désintéressés finit plus longtemps. Ouais, les espions qui trahissaient par sympathie pour le communisme. Ouais. Oui, l'URSS de Brejnev, Andropov ou Tchernenko n'avaient rien qui puisse susciter l'enthousiasme. C'est vrai. Elle était loin, la patrie des travailleurs. Il fallait donc payer les agents et le recrutement était beaucoup plus difficile et aléatoire. Donc vous pensez que dans ces années 80, l'avantage est à l'Occident, mais c'est alors qu'intervient Ames, c'est oui. ça? Il va permettre au KGB de débusquer une bonne quinzaine d'agents américains ou occidentaux. Il donne donc des noms. Et quand les noms ne figurent pas en toute lettre dans les fichiers, il donne suffisamment de détails sur le pédigré de ces personnages pour qu'ils soient identifiés très rapidement. Et que leur arrive-t-il? Ce que vous pouvez imaginer. Ils sont arrêtés par le KGB, interrogés et fusillés sans autre forme de procès. Mmh. 1985, c'est pourtant l'année où Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS, non? Et alors? Pensez que ça change pour autant les méthodes du KGB? Non, je me demandais, c'est tout. Il est vrai que les choses vont progressivement changer. Il y aura même en 87 des contacts officiels entre le patron du KGB, Kliotchkov, et les responsables de la CIA. Et dans quel but ces contacts? Coordonner les actions dans un certain nombre de domaines. La drogue ou le terrorisme, par exemple. Et lorsque Kriouchkov a rencontré aux États-Unis ses homologues américains, il devait rire dans sa barbe. Pourquoi? Parce qu'il était bien placé pour savoir que la CIA était pénétrée au plus haut niveau par ses propres services. Est-ce que vous savez exactement qui étaient ces hommes qui ont été démasqués et exécutés par le KGB? Écoutez, je ne vous parlerai que de l'un d'entre eux. Qui? Le général Polyakov. Qui était ça? Polyakov, après une guerre héroïque, avait été enrôlé par le GRU. Le service de renseignement de l'armée rouge. Au début des années 60, il fait partie de la mission soviétique aux États-Unis. À New York, donc. Oui. Et c'est là qu'il entre en contact avec les Américains. Et pour quelle raison, hein? Par patriotisme. Attendez. Parce que c'est par patriotisme qu'il va trahir? Eh oui, oui. Aussi étrange que cela vous paraisse, Polyakov aimait son pays, mais détestait le système. Et surtout, lui qui avait été très marqué par la guerre, il avait peur que la compétition entre l'URSS et l'Occident ne se termine par un conflit nucléaire. Il a donc choisi le camp de l'Ouest. Mais c'est notable, à la différence d'autres transfuges, il n'a jamais voulu rompre avec son pays. Et à l'issue de sa mission, il est revenu chez lui. Alors qu'il aurait pu rester aux États-Unis. C'est ça, oui. Et pendant des années, il a fourni aux Américains des renseignements de grande importance sur la situation militaire de l'URSS et la réalité de ses capacités offensives. Et surtout s'il exerçait des fonctions au sein des services secrets de l'armée. Oui, à Washington, on estime que Polyakov a rendu des services inestimables. Sans doute fait-il partie des hommes qui ont fait en sorte que la guerre froide ne dégénère pas en guerre chaude. Mmh. Et il n'a jamais été soupçonné? Jusqu'à la trahison d'Aldrich Ames, non. Et comment a-t-il été traité par le KGB, lui, hein? Quand il a été arrêté en 1985, il était à la retraite. Ça lui a valu de ne pas être exécuté immédiatement et d'être jeté dans un cachot. Mais en 1988, on s'est résolu à le tuer. Sans le juger? Un procès public aurait été catastrophique pour les autorités soviétiques, parce qu'il aurait forcément mis à jour quelques vérités très gênantes. Mmh. Le général Polyakov a donc été sommairement exécuté, c'est ça. Mais est-ce que tous les espions américains donnés par Aldrich Ames ont été pris? Non. À ma connaissance, deux au moins ont réussi à échapper à la NAS. L'un d'eux, un officier du KGB, était en poste à Athènes. Son nom? Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que cet espion, lorsqu'il a été rappelé à Moscou, a eu des doutes. On le comprend, oui. Et pourtant, le piège était diabolique. Si on lui demandait de revenir, c'est parce que son fils était malade. Il n'y a pas cru? Non. Et il a pris contact avec le représentant de la CIA à Athènes et il a été exfiltré vers les États-Unis. Et l'autre? Ce n'est autre que Oleg Gordievski, un transfuge dont vous avez certainement entendu parler. Ah oui, bien évidemment que c'est grâce à ces révélations qu'il a... Il a permis à l'historien anglais Christopher Andrew d'écrire un livre majeur sur le KGB. Je ne savais pas, moi, que sa défection était liée à l'affaire Ames. Eh bien si, c'est une histoire extraordinaire. Au cours de mon dialogue avec Monsieur X, j'ai fait allusion à un livre de Christopher Andrew. Cet ouvrage, Le KGB dans le monde, a été édité chez Fayard en 1990, donc avant l'arrestation d'Aldrich Ames. Mais en l'an 2000, le même historien a publié un autre livre, toujours chez Fayard, Le KGB contre l'Ouest. Il y commente les révélations d'un autre transfuge, Vassili Mitrokhine, un ancien employé du service de renseignement soviétique qui a, pendant des années et des années, pris clandestinement des notes sur les documents secrets qui lui passaient sous les yeux. Les archives Mitrokhine, comme on les appelle désormais, sont riches de révélations et grâce à elles, Andrew peut dresser un bilan de la trahison d'Aldrich Ames. Je le cite. Ames, qui vient offrir ses services au KGB en 1985, travaille depuis 18 ans pour la CIA. En l'espace de 2 mois, il va trahir 20 agents au service de l'Ouest, surtout des États-Unis, notamment Dimitri Polyakov, un général du GRU qui travaille pour le FBI et la CIA depuis plus de 20 ans, Oleg Gordievski, qui du KGB renseigne les Britanniques et vient d'être nommé résident à Londres, Adolf Tolkachev, spécialiste en électronique qui a livré d'excellents renseignements sur l'avionique soviétique, et au moins 11 officiers du KGB et du GRU en différentes régions du monde. Une majorité d'entre eux seront fusillés, même si Gordievski, sous surveillance du KGB, parvient à fuir l'URSS dans des conditions épiques. À eux tous, ces agents figuraient la pénétration la plus réussie de l'Union soviétique par l'Occident depuis la révolution bolchevique. La cupidité est le principal moteur de la trahison d'Ames. Arrêté 9 ans plus tard, il aura déjà reçu du KGB et de l'institution qui lui a succédé près de 3 millions de dollars, le record sans doute de l'histoire de l'espionnage soviétique. 2 autres millions lui étaient encore promis. Alors comment Oleg Gordievski a-t-il pu échapper aux sbires du KGB ? Je dois d'abord vous dire que Gordievski a au moins un point commun avec Ames. Lequel ? Lui aussi a un père qui était un homme de renseignement du NKVD exactement. C'est-à-dire l'ancêtre du KGB. Hein. Il y aurait donc des dynasties d'espions ? Je n'irai pas jusque-là. Gordievski, en tout cas, a le profil caractéristique d'un jeune officier du KGB des années 60. Il est sérieux, compétent, discipliné. Le contraire d'Aldrich Ames, en somme. Oui, il est en outre intelligent. Jusqu'en 1973, il se conduit en parfait petit soldat du KGB. Il travaille au centre. À Moscou, donc. Oui. Ouais. Puis on l'envoie à Copenhague, où il est chargé de traiter les illégaux. Mais les illégaux, je crois qu'il faut le rappeler, ce sont les agents qui ne bénéficient pas d'un statut diplomatique. Tout à fait. À la fin des années 60, il revient à Moscou. Puis il repart au Danemark. Et après un nouveau retour en URSS, il est nommé au début des années 80, résident adjoint à Londres. C'est un poste très important, ça. Le plus important, après celui de Washington. D'ailleurs, Gordievski qui a gagné au fil des ans ses galons de colonel. Brillant sujet, donc. Et toujours excellemment noté. Oui. Mais quand a-t-il commencé à trahir, lui ? En 1973, alors qu'il était en poste à Copenhague. Et pour quelle raison ? Comme le général Polyakov. Il ne trahit pas pour de l'argent, mais par conviction. Parce qu'il ne supporte plus la pesanteur du régime, l'absence de démocratie, la corruption qui va avec. Oui. Et lui prend contact avec la CIA ? Non. Avec le SIS, c'est-à-dire le Secret Intelligence Service. Ouais, les Britanniques, donc. Oui, et pour l'Occident, c'est une recrue de choix, car grâce à ses différentes fonctions, Oleg Gordievski a une connaissance intime du KGB et de ses hommes. Et en 1985, nouvelle promotion, il est nommé résident à Londres. Et le fait qu'il soit nommé à Londres, justement, est une sorte de pied de nez de l'histoire. Hein. Certainement, mais il est à peine nommé qu'au mois de mai 85, il reçoit l'ordre de revenir à Moscou. Définitivement ? Non, on lui dit qu'il s'agit d'officialiser sa nomination. À Moscou, Gordievski doit rencontrer les pontes du KGB. Mai 85, avez-vous dit, or, c'est en avril, hein, si je me souviens bien, que Aldrich Ames a officiellement franchi la porte de l'ambassade de l'URSS à Washington. Exactement. Ouais. Ames, pouvait-il savoir que Gordievski était une taupe ? Oui. Peut-être ne connaissait-il pas son nom, mais les rapports entre la CIA et le SIS étaient suffisamment étroits et confiants pour que Ames ait appris que les Britanniques disposaient d'un important agent en poste à Londres. D'accord, mais Gordievski n'avait encore aucune raison de se méfier, non ? La trahison d'Aldrich Ames n'avait pas encore produit d'effet. Ça commençait. Les premiers espions américains avaient été arrêtés. Gordievski, du fait de sa situation dans la hiérarchie du KGB, avait très bien pu en être informé. Quoi qu'il en soit, ce n'est certainement pas l'esprit très tranquille qu'il se prépare à faire le voyage de Moscou. Un rappel si peu de temps après sa nomination, c'est quand même étrange. Mais... Et pourtant, il va y aller. Oui, il risque le coup. Il est marié ? Il a une femme et 2 enfants, il les laisse à Londres. Ouais. Et à son arrivée à Moscou, que se passe-t-il ? Ben, il a très vite une mauvaise impression. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Le fonctionnaire de la milice qui examine son passeport diplomatique est étonnamment long. Et Gordievski le voit donner un coup de fil. Enfin, on lui rend son document, et l'officier du KGB prend un taxi pour se rendre chez lui. Est-ce qu'il a gardé un appartement à Moscou ? Oui. Et là, nouvelle alerte. Quelques indices lui donnent à penser que son logement a été visité. Mais est-ce qu'il dissimulait des objets ou des documents compromettants ? Bien évidemment, non. Gordievsky était trop prudent et les seuls objets que les hommes du KGB, car c'était bien eux, ont pu découvrir, ce sont des ouvrages de Solzhenitsyn. Des ouvrages qui étaient encore interdits en 85. Hein. Oui, mais enfin, c'était pas très grave. Ce qui préoccupe plus Gordievsky à ce moment-là, c'est que, incontestablement, on le suspecte. Et dès le lendemain, il en a une nouvelle preuve. Rappelez-vous, il est venu à Moscou pour rencontrer les chefs les plus importants du KGB. Or, on le fait lanterner sous les prétextes les plus divers. Et ça dure Plus d'une semaine. Et puis soudain, une voiture du KGB vient le chercher. Direction une datcha que le centre possède à quelques kilomètres de Moscou. Plusieurs officiers supérieurs du KGB l'y attendent, dont un colonel du contre-espionnage. C'est en quelque sorte l'homologue d'Heinrich Hems, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Et Gordievsky est interrogé? Pas tout de suite. D'abord, on mange, on boit, de l'alcool, bien sûr. Ouais, c'est étrange, on veut le mettre en confiance. Et surtout, on le drogue. Et Gordievsky ne se méfie pas. Bah, peut-il refuser de trinquer? Non, c'est impossible. Et c'est dans un état second qu'il commence à subir le feu des questions des hommes du KGB. On l'accuse d'être un espion des Anglais? À la fin, oui. Mais d'abord, on lui parle de ses livres interdits qu'il cache chez lui. Puis, on lui montre qu'on sait toute sa vie familiale et des conversations téléphoniques qu'il a eues avec sa femme et ses filles. Même drogué, Gordievsky se rend compte que son appartement a été sonorisé. Sonorisé, c'est-à-dire qu'on y a placé des micros. Et puis à la fin, c'est donc la principale accusation la plus grave. Et comment réagit-il alors? Bien, malgré son état de faiblesse, Gordievsky nie à plusieurs reprises. Et il finit par sombrer dans l'inconscience. Le lendemain, au réveil, il se trouve toujours dans la datcha. Il n'est pas très en forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il n'est toujours pas arrêté. Non, non, mais il ne donne pas cher de sa peau quand il voit à nouveau apparaître le colonel du contre-espionnage. On l'interroge à nouveau? Oui, des questions incessantes sur son emploi du temps à Londres. Et puis soudain, l'interrogatoire se termine. Gordievsky est raccompagné chez lui. Ah, comment vous pouvez expliquer ça? Bah, à l'évidence, les hommes du KGB n'ont pas de certitude, seulement des soupçons. Et puisque Gordievsky ne peut pas leur échapper, ils entendent prendre leur temps. Mais pour le faire avouer. Bien sûr, ce qui signifie qu'Heldrich Hems ne leur a pas donné de renseignements suffisamment précis sur Gordievsky. Et à ce moment-là, les types du KGB ne sont pas tout à fait certains que la taupe de l'ambassade soviétique à Londres est vraiment Gordievsky. Ils vont donc continuer à le surveiller? Oui, ils le tiennent en laisse et ils lui annoncent qu'il est mis fin à ses fonctions à l'étranger et que sa famille va rentrer en URSS. Ce qui va effectivement se passer. Sa femme et ses filles deviennent des otages. Gordievsky est donc piégé? Oui, et il sait que tôt ou tard, on le fera avouer. Sa seule chance de s'en sortir, c'est donc la fuite. Et fuir l'URSS alors qu'il est surveillé en permanence par le KGB? Oui, je sais, ça paraît complètement fou, et pourtant Gordievsky va réussir. Pas tout seul, j'imagine. Bien sûr, les Anglais vont l'aider. Je vous passe les détails. Mais enfin, Gordievsky parvient à entrer en contact avec eux, et après avoir préparé toute une série de fausses pistes un beau jour, il se retrouve caché dans une voiture truquée de l'ambassade britannique. Une voiture truquée? Oui, dotée d'un faux plancher. C'est ainsi que Gordievsky franchit la frontière de la Finlande. Ouais. Mais sa famille? Elle est restée en URSS. Et Gordievsky a dû préparer sa fuite sans rien dire à sa femme. J'imagine que ça a dû être pour lui un déchirement épouvantable. Mais l'essentiel, c'est tout de même que Gordievsky soit passé à l'ouest. Et le transfuge va y rendre des services inappréciables. Le récit de la fuite d'Oleg Gordievsky est très longtemps resté secret. Les Britanniques ne voulaient évidemment pas donner de détails sur une méthode qui pouvait servir à d'autres transfuges. Il faut noter d'autre part que cette fuite constitue, selon le spécialiste anglais Christopher Onoo, le seul cas connu d'évasion d'un agent occidental sous surveillance du KGB. Un joli succès donc. L'écrivain Frédéric Forsyth, dans son roman Icône paru chez Albin Michel, donne un récit de la fuite de Gordievsky. Le colonel est alors en train de faire du jogging dans les rues de Moscou. Soudain, deux fourgonnettes identiques apparaissent. L'une d'elles s'arrête à la hauteur de Gordievsky. Celui-ci bondit dans le véhicule. La suite, voici comment Forsyth la raconte. La première fourgonnette disparut, puis s'engouffra dans une ruelle, tandis que la seconde démarrait, induisant les poursuivants en erreur pendant des kilomètres avant d'être stoppée. Elle ne contenait que des légumes destinés à la cantine de l'ambassade. Gordievsky, lui, se trouvait déjà en sécurité dans les locaux de la représentation anglaise. Il y attendait une Land Rover à plateforme que des mécaniciens militaires venaient de modifier, l'équipant d'un étroit compartiment sous le plancher à côté de l'arbre cam. Deux jours plus tard, le véhicule et son passager clandestin prirent la route pour la Finlande. Arrêté à la frontière et fouillé, malgré l'immunité diplomatique, la Land Rover put finalement repartir. Dans une forêt finlandaise, le transfuge fut sorti de sa cachette et conduit à Helsinki. Malgré Hems, Gordievsky a donc réussi à fuir, mais beaucoup d'autres ont été pris. Et fusillés. Mais que sait-on à l'Ouest? Rapidement, on s'aperçoit que les espions ne répondent plus. Et on en conclut qu'ils ont été démasqués. Bien entendu. Ouais. C'est un coup dur, très dur pour la CIA. Très très dur, oui. Mais le fait qu'ils aient été arrêtés presque simultanément, ça doit nourrir aussi les soupçons de l'agence américaine. Bah, vous voulez dire que ça leur indique qu'il y a une taupe chez eux? Bah, ça me paraît évident, non? Et vous avez raison. Et les Soviétiques ont sans doute commis une erreur en procédant à cette rafle collective. Mais le KGB n'y était pour rien. C'est Gorbatchev en personne qui a donné l'ordre d'arrêter tous ces espions. En bloc, avec le risque donc de mettre en danger la taupe, Heinrich Hems. Oui, mais paradoxalement, c'est lui qui aura raison. Expliquez-moi. Bah, c'est assez étonnant. Dans un premier temps, comme vous le supposiez, la CIA se persuade qu'elle a une taupe dans son sein. Donc on dresse une liste de tous les agents qui pouvaient avoir accès aux fichiers des espions en poste à l'Est. Parmi eux figure en bonne place le nom d'Heinrich Hems. Hein. Naturellement. Et il y en avait combien des... Pas de 200. C'est énorme. Énorme, oui. Extrêmement dangereux pour la sécurité des espions américains qui risquaient leur vie à l'Est. Donc tous ces gens-là sont donc interrogés, passés au détecteur de mensonges, mais comme je vous l'ai dit précédemment, Hems passe l'épreuve avec succès. On en reste là? Ben, il existe des hommes à la CIA qui veulent aller plus loin. C'est-à-dire? Ben, ils proposent par exemple que l'on procède à un examen approfondi de la situation financière des suspects. Mais, enfin, savoir s'ils n'auraient pas bénéficié de dons occultes. Mais évidemment, mais un fonctionnaire important de la CIA s'y oppose. Avec quels arguments, lui? Mais cet homme affirme qu'en procédant de la sorte, on violerait les droits civique de ses agents. Il me semble que la CIA en a fait d'autres, non? C'est juste. Mais le même personnage souligne aussi qu'en continuant à chercher la prétendue taupe, on va ressusciter le climat de chasse aux sorcières des années 60 et 70. Un climat qui a profondément affaibli l'agence. Et il est écouté? Oui. Mais si on avait effectué ces enquêtes financières, on aurait démasqué Heinrich Hems. Incontestablement, il aurait été incapable de justifier l'amélioration soudaine de son train de vie. Alors, ce haut fonctionnaire de la CIA, c'était peut-être ce mystérieux protecteur que vous avez déjà évoqué? Ça me paraît clair, non? Ah, et c'est donc une taupe, lui aussi. J'en suis certain. Et à ma connaissance, il n'a jamais été inquiété. Mais vous connaissez son identité? Oui, mais je ne peux pas en dire plus. D'ailleurs, cet homme n'appartient plus au personnel de l'agence. Il a pris sa retraite et coule des jours paisibles en Europe. En tout cas, c'était donc un des patrons de la CIA, puisqu'il a été écouté. Oui, mais il faut dire qu'à plusieurs reprises, ses amis soviétiques puis russes l'ont bien été. De quelle façon? Vous vous souvenez de l'affaire Yurchenko? Oui, c'était un transfuge soviétique du KGB qui a demandé l'asile aux États-Unis, puis il est reparti en URSS, c'est ça? Après avoir livré le nom de quelques taupes qui avaient déjà été identifiées par la CIA. Et je vous ai dit que les Américains dans cette affaire avaient été abusés. Yurchenko n'était pas un vrai transfuge. La preuve, c'est qu'en retournant en URSS, il n'a pas été inquiété. Or, en quelle année ce type est-il venu aux États-Unis? Dans les années 80, c'est ça, ouais. 1985, exactement. Peu de semaines après l'arrestation par les Soviétiques des espions de la CIA. Et c'est un rapport? Probablement. Ouais, et pourquoi? Moi, je pense que l'aller-retour de Yurchenko avait deux objectifs. D'abord, et c'est essentiel, il fallait déstabiliser les Américains. Et les ridiculiser. Bien sûr. Ouais. Juste avant une importante rencontre entre Gorbatchev et Reagan, j'ajoute, et ça ne manque pas de sel, qu'Aldrich Hems faisait partie des agents américains chargés de débriefer Yurchenko à son arrivée aux États-Unis. Ouais, il a dû s'amuser. Et le deuxième objectif de l'affaire Yurchenko? Créer un rideau de fumée sur la trahison initiée par Hems. Et par son fameux protecteur. C'est évident. Mmh. Et m'avez-vous dit, les Soviétiques sont venus à son secours, on parle toujours du protecteur, là, en d'autres occasions. J'y viens. Enfin, auparavant, je voudrais vous raconter quelque chose tout à fait extraordinaire. Je vous écoute. Quand tombent tous ces espions américains à l'Est, la CIA, je vous l'ai dit, pense aussitôt à l'existence d'une taupe. Ouais, on ne la trouve pas. Et les meilleurs cerveaux de la CIA sont amenés à faire le raisonnement suivant. Si les Soviétiques ont procédé à cette série d'arrestations, c'est bien sûr qu'ils ont disposé d'informations données par une taupe opérant à l'intérieur de la CIA. Mais il ne l'aurait pas fait si cette taupe était toujours active. Mais pour ne pas la griller. C'est cela. Conclusion. La taupe ne fait plus partie des services. Et les chasseurs de taupes ont commencé à chercher parmi les traîtres qui avaient été précédemment identifiés. Ces mêmes hommes que Yurchenko avait dénoncés. Or, l'un d'eux avait réussi à fuir en URSS. Et donc, on ne pouvait plus l'interroger. Et c'est ainsi qu'on a abandonné, au moins provisoirement, la chasse à la taupe. Mais, il faut le rappeler, Hems va quand même être arrêté un jour. Oui, très tardivement, en 1994 seulement. Je vous l'ai dit au début de cet entretien, parce que le FBI s'en est mêlé. Et qu'est-ce qui a justifié alors l'intérêt du FBI pour Hems? Bah, officiellement, c'est le train de vie d'Aldrich Hems qui a fait du traître un suspect. Mais il faut aussi bien vous rendre compte que l'activité de la taupe de la CIA ne s'est pas arrêtée avec la dénonciation des espions américains. Parce qu'il a continué pendant toutes ces années. Bien évidemment, il a été responsable de l'échec de plusieurs dizaines d'opérations de l'agence. Il a aussi vraisemblablement participé à de nombreuses manœuvres de désinformation. Ouais. C'est pour ça qu'on a recommencé alors à chercher qui était la taupe. Ouais, ouais, ouais. Et les soupçons se sont portés sur lui. Pas simplement sur lui. Son protecteur? Exactement. Et les Russes, puisque ça s'est passé après l'effondrement de l'URSS, ont fait la part du feu. C'est-à-dire? Ils ont sacrifié Hems pour protéger l'autre, qui avait à leurs yeux beaucoup plus d'importance. Et puis Hems, qui multipliait les imprudences, comme je vous l'ai expliqué, était de toute évidence condamné à terme. Donc, selon vous, ce sont les Russes qui ont donné Heinrich Hems? Parfaitement. Parfois, dans le monde du renseignement, comme dans la vie, il faut faire des choix drastiques. C'est ce qu'ont fait les Russes. Et sans état d'âme, je vous prie de le croire. Quant aux Américains, ils sont entrés dans leur jeu. Ouais. Que voulez-vous dire? Ils soupçonnaient qu'un autre homme se trouvait au-dessus d'Aldrich Ames. Mais pour ne pas provoquer un scandale encore plus considérable, ils ont feint de croire que Ames était la seule taupe. Et l'autre, alors? Je vous l'ai dit. Il coule aujourd'hui la vie paisible d'un retraité. C'est à partir de 1993 que le filet se resserre autour d'Eldridge Ames. Une cellule mixte, CIA-FBI, a été constituée. Dans cette affaire, le FBI compte bien marquer des points contre sa rivale de toujours, la CIA. C'est ce qui se passera. Dans leur livre, L'histoire de l'espionnage mondial, paru aux éditions du Félin, Genoveva Etienne et Claude Moniquet écrivent ceci. Car au-delà de l'ampleur exceptionnelle de l'affaire, ce qui est vraiment intéressant dans le cas d'Eldridge Ames, c'est que l'homme, recruté par le KGB en 1985, a travaillé, après 1991, pour la Russie démocratique de Boris Eltsine. Les régimes changent, les espions demeurent. Moscou, d'ailleurs, ne le nie pas. Le général Mikhail Kolesnikov, chef d'état-major de l'armée russe, ne déclarait-il pas, après l'arrestation de Ames, « Ames a travaillé pour la Russie aux États-Unis, il a protégé les intérêts russes lorsqu'il a démasqué des espions qui transmettaient des secrets russes aux États-Unis. » Le plus inquiétant pour la CIA, c'est certainement qu'Aldrich Ames ait réussi à se maintenir aussi longtemps en place et à déjouer toutes les procédures de sécurité de l'agence américaine et notamment le sacro-saint passage au détecteur de mensonges auquel doivent se soumettre régulièrement les femmes et les hommes de l'agence. Plus grave encore, selon James Woolsey, le directeur de la CIA, Ames n'avait pas accès à toutes les informations qui ont permis au KGB de démasquer des agents américains ces dernières années. En français dans le texte, il y aurait d'autres taupes à la CIA. L'affaire en tout cas a coûté leur place à deux cadres supérieurs de l'agence, le directeur adjoint aux opérations, John McGaffney, et le chef des opérations pour le Proche-Orient, Frank Anderson. L'un de ces deux hommes était-il le protecteur de Ames, celui qui est aujourd'hui à la retraite? Dans un article publié en 1996 par l'événement du jeudi et signé par Pascal Krop, il est mentionné un autre nom, celui de Milton Burden, chef de la section de l'Europe de l'Est à la CIA. Il a été accusé par l'un de ses collègues d'avoir prévenu Ames des soupçons qui pesaient sur lui, accusation qu'il aurait d'ailleurs reconnue. Retraité, il résiderait à Bonn. Enfin, à l'appui de la thèse de M. X, qui affirme qu'Eldridge aurait été donné par les Russes, j'ai trouvé une information concordante dans le livre de Roger Faligaud et Rémi Koffer, Les maîtres espions, paru chez Robert Laffont.